Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Osez Jazz à tous les étages, la 135e, saison 5, épisode 28, avec toujours ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous accompagnent depuis 5 saisons. Toujours un bonheur de commencer par ces pêches de cuivre qui donnent tout de suite envie de se lancer dans un effréné petit boogie comme ça. Un petit boogie qui va commencer aujourd'hui avec toujours la rubrique générique et un générique un petit peu particulier. Alors on va avoir une émission spéciale qui faisait visiblement le bonheur de Maxime qui nous fait le son avec brio comme d'habitude, qui sera surtout centré autour de nouveautés et de vieilleries autour du jazz modal. Alors vous me direz, mais c'est quoi le jazz modal, eh monsieur ? Eh bien le jazz modal, c'est un jazz un petit peu inventé à l'époque de John Coltrane, qui a été un peu un des premiers à utiliser ce mode-là, justement, c'est-à-dire de remplacer ce qu'on a habituellement dans le jazz, mais aussi dans les autres musiques savantes européennes et occidentales, les grilles d'accords. On remplace les grilles d'accords classiques. Le jazz fonctionne comme les autres sur des systèmes de grilles d'accords, la mineur, sol, fa, do, etc. Et de les remplacer, en fait, par des modes qui viennent de la musique indienne, principalement, et qui sont des manières de passer d'une ambiance à l'autre en déclinant des suites qui ne sont plus des suites d'accords, mais des suites d'ambiance générale et qui permettent comme ça un petit peu de changer la donne au niveau de la musique. Donc c'est John Coltrane, on y reviendra tout à l'heure, qui a un petit peu lancé cette mode en grand fan qu'il était de Ravi Shankar. Je rappelle qu'il a quand même appelé son fils Ravi Coltrane, donc c'est que voilà, il y avait une petite influence quand même derrière tout ça. Le John Coltrane a ainsi démarré un petit peu une mode, de, sans jeu de mots, de retour à cet esprit de la musique indienne qui ne fonctionne pas comme notre musique et qui a permis de faire avancer et évoluer un petit peu le jazz dans les années 60. Et donc, pour en revenir à notre rubrique générique, il se trouve qu'à la fin des années 60, même début 70, en 1971, Monsieur André Francis, sur les ondes de France Inter, lançait une émission qui s'appelait Le Club du Jazz. Et le générique de cette émission, justement, était un morceau de jazz un peu modal, comme ça. Donc, un morceau qui était signé de Rassan Roland Kirk, saxophoniste exceptionnel, mais pas que d'ailleurs, puisqu'il jouait également de la flûte et de différents saxophones ténors, et puis un sax de son invention qui s'appelait le Manzello. Roland Rassan Kirk, qui était un jeune homme qui avait malheureusement été aveugle dès l'âge de 2 ans et qui avait été envoyé dans une institution dans laquelle il a pu apprendre la musique, et notamment le saxophone, la clarinette. Et de là, il est devenu un véritable champion de ses instruments. Et puis au fil de sa carrière, il a commencé à jouer dans les petits clubs, comme tout le monde. Puis un jour, Charlie Mingus lui a demandé de venir rejoindre son groupe, parce qu'il l'avait entendu dans un petit club, il avait été impressionné par ce qu'il faisait. Et Charlie Mingus lui a permis d'enregistrer avec lui les albums Oh Yeah et Tonight at Noon, avant que, ensuite, par la suite, Roland Rassenkirk devienne un petit peu un des modèles de cette musique qui, à la suite de John Coltrane, a exploré les modes de la musique indienne. Donc il s'appelait de son vrai nom Roland Kirk, et il avait rajouté devant Rassan Roland Kirk parce qu'il avait entendu Dieu l'appeler lui-même dans un de ses rêves, Rassan. C'est pour ça que voilà, il avait choisi d'ajouter cela à son nom à l'époque. Donc le générique de cette émission d'André Francis, qui a eu beaucoup, beaucoup d'émissions au fil du temps à l'ORTF, sur France Inter, etc. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on verra un autre générique qui d'une de ces émissions. Mais ce générique de 1971 est vraiment bien dans son temps. Vous allez pouvoir l'entendre. C'est un morceau qui s'appelle Black Root, qui était à l'époque sorti sur un album et sur lequel on retrouve vraiment très, très peu de musiciens. Il y a seulement Roland Kirk, donc au sax, et puis un joueur de triangle et de tambourin, Joe Habao Texidor, et un joueur de congas, Maurice McKinley. C'est très simple, très trance, très basique comme morceau. Vous allez voir, c'est magnifique. Ça s'appelle Black Root, Rassan Roland Kirk. Mm-hmm. Et voilà, en 3 minutes 17, vous avez un condensé de ce que pouvait faire Rassan Roland Kirk avec un saxophone et une clarinette, parce que là, il joue des deux en même temps. Il arrivait à jouer jusqu'à trois instruments en même temps, trois sax ou deux sax et une clarinette. Il avait réussi à maîtriser ce qu'on appelle le souffle continu en jazz, c'est-à-dire arriver à jouer en soufflant par la bouche, bien sûr, et à aspirer de l'air par le nez en même temps. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est super dur. J'ai jamais réussi à comprendre comment on arrivait à faire les deux en même temps. Mais lui, il pouvait jouer comme ça, tranquille, avec trois instruments dans la bouche et à continuer de respirer tranquillement en même temps. C'est vraiment une sorte de monument. Et donc, il arrivait à chantonner en même temps qu'il jouait, notamment souvent quand il jouait de la flûte. Mais là, on l'a entendu aussi sur ce morceau-là. Quand il jouait de la flûte, il doublait sa partie de flûte avec une voix de tête qui sortait par le même orifice que son souffle dans la flûte. C'est assez impressionnant. Voilà pour ce qu'on pouvait dire autour de Rassan Roland Kirk et de ce générique donc de l'émission Le Club du Jazz d'André Francis, le morceau Black Route, donc de 1971. Et on va continuer un petit peu dans ce même style de jazz modal avec des nouveautés, parce qu'aujourd'hui encore, le sillon continue de se creuser sur ce type de musique. Hein. Tous les jazz continuent d'être enrichis de nouveautés. Et il y a comme ça un groupe anglais originaire de Leeds qui continue dans cette veine-là. C'est un groupe qui s'appelle Work, Money, Death. Un beau programme, n'est-ce pas ? Le travail, l'argent et la mort. Un groupe qui s'est retrouvé autour de Tony Burkill, un saxophoniste qui travaille donc dans la région de Londres avec des musiciens uniquement de cette région-là. Et la scène locale est particulièrement riche, presque aussi riche que celle de Londres, qui l'est pourtant beaucoup dans le jazz. Et avec différents groupes, The Sorcerers, The Lewis Express et The Flying Hats, il a constitué une petite scène autour d'un label qui s'appelle Atta Records, sur lequel est sorti donc ce nouvel album de Work, Money, Death, qui est tenu par un bassiste qui joue également dans le groupe Work, Money, Death, qui s'appelle Neil Innes. Et tout ce joli monde travaille souvent d'un groupe à l'autre et s'épaule les uns les autres. Leur spécialité un peu de Work, Money, Death, c'est de travailler autour d'un riff de départ, souvent une contrebasse ou un riff de sax, et puis de faire monter un morceau autour de ça. Il les propose souvent en EP digitaux dans un premier temps, et puis ensuite il les rassemble pour faire des albums. Et là, c'est un album qui vient de sortir qui s'appelle A Portal to Here, un portail vers ici, qui vient juste de sortir. Et dans ce très très bel album dans lequel on trouve donc Tony Burkill, Neil Innes dont je vous parlais déjà, Sam Hobbs et Sam Bell qui font la rythmique du groupe, et puis il y a des invités, Johnny Richards au piano, Ben Pauling au saxo baryton, Richard O'Mod au bois et Kev Holbro et Steve Parry au cuivre. Tout ce beau monde va développer devant vous. Alors, on va pas l'écouter en entier parce que le morceau fait 12 minutes 40, mais on va en écouter le début et ça va vous donner un petit peu l'esprit de ce qu'ils font. Et c'est rare que les morceaux fassent moins de 10 minutes chez eux, parce qu'il y a vraiment toute une montée en transe comme ça. Le morceau qu'on va écouter donc s'appelle A Dance of the Spirits. Et c'est donc Work, Money, Death qu'on écoute tout de suite. Thank you. Death avec ce morceau qui s'appelle Dance of the Spirits. Je suis toujours admiratif des bassistes qui sont capables de jouer comme ça pendant des heures sur 5-6 notes, le même riff en permanence. C'est impressionnant, Neil Innes, ce qu'il fait là à la basse tout en gardant le même groove tout le temps. C'est incroyable comme cette basse emmène le morceau et réussit à le faire monter un petit peu en intensité juste en répétant comme ça à l'infini quelques notes comme un blues qui tourne en rond. Il y a un côté aussi très blues dans le jazz modal, ce côté répétitif un petit peu de cette musique qui est certainement un des éléments aussi qui a beaucoup parlé à des gens comme Coltrane quand il a lancé un petit peu ce style-là, parce que lui-même était très imprégné de blues. On va continuer avec un deuxième coup de cœur récent. Là, il s'agit de Mark Turner, toujours un saxophoniste. Mark Turner, qui a une belle carrière déjà derrière lui, parce que il a été dans les années 90 un des jeunes saxophonistes les plus en vue de sa génération. Il commençait à travailler à l'époque avec un jeune pianiste aussi qu'on connaissait peu, qui s'appelait Brad Meldo, avec un Léon Parker, le batteur et percussionniste, qui aussi a connu une très très belle carrière dans les années 90. Et puis il a travaillé avec plein de gens, de Dave Douglas à Joshua Redman, en passant par Thérèse Blanchard. Bref, il s'est fait une belle place à l'époque, dans les années 90, milieu des années 90. Warner lui a offert un pont d'or pour qu'il puisse les rejoindre, et il a réussi à sortir quelques beaux albums chez eux qui ont eu un joli succès, y compris un album sous le nom de groupe de Fly, dans lequel on retrouvait Larry Grenadier, le bassiste de Brad Meldo, et Jeff Ballard à la batterie. Un très beau trio qui a sorti quelques beaux albums à redécouvrir si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter. Là aujourd'hui, Mark Turner a signé chez ECM, mais voilà, il garde toujours sa patte. Il va pas se glisser dans le moule un petit peu ECM, même si tant est qu'il y a un moule ECM, mais il va pas s'y glisser. Il garde son style propre, c'est-à-dire un jazz qui en même temps prend dans le classique du jazz au niveau de la formation, au niveau du travail entre les instruments, mais travaille aussi autour de ce style un peu jazz modal avec de longs morceaux et des évolutions dans le morceau qui sont très très influencées par le jazz modal. Donc on va écouter un extrait donc de ce nouvel album qui s'appelle Pattern Master, qui sort ces jours-ci chez ECM. Le morceau s'appelle Super Sister. On y retrouve donc Mark Turner au sax ténor, Jason Palmer à la trompette. Vous allez voir qu'au début, ils doublent tous les deux le riff de départ du morceau au sax et à la trompette. C'est vraiment très efficace pour lancer le morceau. Jonathan Pinson à la batterie et Joe Martin à la basse. Là aussi, une basse qui joue un rôle très important dans la solidité du groove de cet album. L'album a été enregistré en France, d'ailleurs, au studio La Buissonne, à Pernes Fontaine en avril 2024, mais il ne sort que maintenant. On va donc écouter ce morceau Super Sister sur cet album Pattern Master. Et voilà, c'était donc Mark Turner au sax sur ce nouvel album Pattern Master. Le morceau s'appelait Super Sister. Vous aurez remarqué quand même qu'il y a un petit batteur qui joue sacrément swing derrière, ce qui n'empêche pas, voilà, c'est pas parce qu'on est dans le jazz modal que la batterie va pas se mettre à swinguer quand même. Et là, il nous en a fait une belle petite leçon là sur cette dernière partie qu'on écoutait de ce morceau, qui dure au total 12 minutes. C'est pour ça qu'on l'écoute pas tout à fait en entier. D'autant qu'il y a, voilà, vous avez vu qu'il y a pas mal d'évolutions mélodiques et rythmiques dans ce morceau. Et c'est la signature un petit peu de Mark Turner, d'avoir toujours des morceaux comme ça en perpétuelle évolution, mais tout en gardant, voilà, une petite touche, ces duos trompette sacre et puis cette batterie qui swing. Ça reste quand même une des marques d'un jazz assez classique finalement, mais voilà, appliqué à un style qui ne l'est pas, lui. Alors on va encore franchir un petit peu une étape avec un autre groupe qui nous vient toujours d'Angleterre, lui aussi. C'est un groupe qui s'appelle Ill Considered. Ils ont sorti quelques albums au fil des années. Alors eux ont un style qui se rapproche aussi de ce jazz modal, sauf que c'est un style beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rentre-dedans, avec des sons beaucoup plus électriques. On y retrouve un classique basse-batterie, bien sûr, pour imposer la rythmique, et puis un saxophoniste et flûtiste, Idris Rahman, qui est vraiment très très riche. Alors ils ont sorti ce nouvel album qui s'appelle Live in Jura, qui a été enregistré à Spiegelberg, au festival de Spiegelberg en 2023, mais qui ne sort que maintenant. Ça se trouve en Suisse, donc tout dans la région du Jura suisse. Et cet album donc sort avec notamment sur une particularité sur une version vinyle qui est en double vinyle, et sur la dernière face ils se font un petit peu plaisir en étant allé enregistrer les sons de la nature dans les Alpes comme ça, et puis ensuite en les intégrant dans une composition qui s'appelle The Voices of the Alpenglow, et qui mélange un petit peu son naturel et musique très très cool. Ça termine l'album sur une ambiance plutôt tranquille, alors que le reste est toujours aussi bouillonnant. C'est un groupe qui enregistre souvent en live, et qui a pu au fil des années mettre un petit peu le feu sur toutes les scènes sur lesquelles ils sont passés. Alors malheureusement, il n'y a pas d'extrait encore de cet album là disponible, donc je suis allé chercher un extrait d'un live de 2024, mais c'est vraiment tout à fait dans l'esprit de ce qu'ils ont fait sur ce nouveau Live in Jura. Le morceau s'appelle Kitsungi, donc sorti il y a 2 ans sur un live qui lui n'existe qu'en dématérialisé, et on retrouve vraiment tout à fait l'esprit. Vous avez notamment écouté une ligne de basse assez dynamique qui emmène le morceau à un tempo assez élevé. C'est donc Ill Considered, et le morceau s'appelle Kitsungi. C'est tout de suite. Ill Considered, donc un extrait d'un live de 2024, morceau s'appelait Kintsugi, et pour vous parler en même temps de ce nouvel album live, Live in Jura, qui sort ces jours-ci, et qui est tout à fait dans cet esprit assez fort, qui rappelle un peu ce qu'on avait écouté. On avait fait un coup de cœur il y a à peu près un mois et demi, sur le dernier album de Mesthetics avec James Brandon Lewis. On est un petit peu dans cet esprit-là, et ça rappelle aussi, pour ceux qui sont plus axés vers le rock ou le rock indé des années 90, ça rappelle aussi un peu le groupe Morphine, qui était un petit peu dans ses passages instrumentaux, dans ce type de pulsion assez rentre dedans. Voilà pour ce Ill Considered. On continue toujours sur des nouveautés, puisque il y a beaucoup de choses dans ce style-là qui sortent ces jours-ci, et notamment un nouvel album de Shabaka Hutchings, sous le nom simplement de Shabaka maintenant, un nouvel album qui s'appelle Of The Earth, donc terrien. On y retrouve ce nouveau style de Shabaka Hutchings, qui faisait des choses très très enlevées pendant longtemps, très très rythmiques, très influencées par l'afrobeat notamment, avec ses anciens groupes The Comet Is Coming ou Sons Of Kemet. Après, il s'était un petit peu calmé avec Shabaka and the Ancestors, et maintenant c'est un petit peu plus zen, un petit peu plus cool, mais ça reste toujours très intéressant. Il a un petit peu délaissé le sax pour la flûte dans ses derniers albums, voilà, on retrouve un style, voilà, un petit peu plus zen dans ce qu'il fait, même s'il y a toujours une pulsation derrière. Ce nouvel album qui vient juste de sortir, donc on en extrait un titre qui s'appelle Stand Firm, et qui va nous emmener comme ça pendant les 5 prochaines minutes. Tom, voilà, c'est parti tout de suite. We'll be right back. Shabaka Hutchings, ce nouvel album Of The Earth, terrien, donc on peut le traduire comme ça. Et ce morceau s'appelait Stand Firm. J'avais oublié de préciser tout à l'heure qu'il joue de tous les instruments et des séquenceurs, etc. Enfin bon, bref, voilà, c'est un petit génie aussi de la musique et de l'arrangement, de la composition, de l'orchestration. Voilà, un petit peu une sorte de prince anglais du 21e siècle. Voilà. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ces quelques nouveautés autour de ce concept un petit peu du jazz modal et du jazz spirituel aussi, comme on l'appelle parfois. On va passer tout de suite à la rubrique à bac à disque avec les nouveautés dont on n'aura pas le temps de passer des extraits, parce qu'il y en a tellement que voilà, c'est pas possible de tout passer, avec notamment un nouvel album de l'ensemble à moitié allemand, moitié scandinave, qui s'appelle Chaloche, nouvel album qui s'appelle What We Are Made Of, qui arrive dans les bacs ces jours-ci, toujours en restant chez nos amis du Nord, Arne Janssen, qui sort un nouvel album qui s'appelle Short Stories. On a aussi un nouvel album d'un beau trio qui est constitué de Miroslav Vitus, Michel Portal et Jacques de Jonette. Alors vous me direz, il y en a deux qui sont morts déjà, Michel Portal et Jacques de Jonette, mais ils avaient enregistré tout ça avant. L'album s'appelle Mountain Call et il va sortir enfin, parce qu'il avait été enregistré il y a quelques années et il était un petit peu bloqué pour des problèmes de droit. Visiblement, les problèmes se sont effacés depuis quelques temps et donc l'album va sortir bientôt. On aura peut-être l'occasion d'en écouter un bout. Et puis dans un style tout à fait classique, eh bien, on va saluer le retour après quelques années d'absence de la chanteuse Stacey Kent, qui revient avec un nouvel album début avril qui s'appelle Time for Love. On aura certainement l'occasion d'y revenir et d'en écouter des extraits, parce que c'est une chanteuse qu'on aime bien, qui est passée souvent à jazz en Touraine dans les années 2000, entre 2000 et 2015, donc elle est passée plusieurs fois, et à chaque fois, c'est un très très beau souvenir, donc voilà, on aura certainement l'occasion de revenir sur cet album-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les toutes dernières nouveautés à sortir. On va continuer donc notre exploration un petit peu du jazz modal, comme on avait prévu de le faire depuis le début de cette émission, et on va revenir dessus avec un standard, le morceau qui a peut-être tout commencé, avec donc le morceau Love Supreme de John Coltrane. Il faut savoir que cette année, on va fêter le 100e anniversaire de la naissance de John Coltrane, le 100e anniversaire aussi de la naissance de Miles Davis. Ils sont nés la même année, Miles Davis au mois de mai et John Coltrane au mois de septembre. Mais voilà, c'est l'occasion aussi de rappeler combien John Coltrane a changé la face du jazz de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Cet album-là, donc Love Supreme, bien sûr, sorti en 1965, enregistré en 1964 avec son quatuor de l'époque, un des plus beaux de l'histoire du jazz. Lui-même jouait donc du sax ténor et sur le morceau qu'on va écouter, chantonne aussi à un moment. Mike Coitainer au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse qui vient ancrer, comme on l'a pu le voir dans les premiers morceaux qu'on a écoutés dans cette émission, vient ancrer vraiment le morceau sur une ligne de contrebasse qui fait juste 4 notes. Il n'y a pas plus de 4 notes qui jouent, et c'est tellement essentiel ce qu'il joue que voilà, tout repose sur lui. Et puis donc Elvin Jones à la batterie, c'est vraiment un quatuor de rêve. Le morceau qu'on va écouter, c'est le morceau qui lance l'album, Love Supreme Acknowledgement. C'est 7 minutes 44 au compteur, mais pas une seconde de trop, donc c'est 4 notes de contrebasse sur lesquelles vient se poser Mike Coitainer après que John Coltrane ait juste introduit le morceau avec quelques petites notes de sax, et puis après ça part sur ce groove et sur ce morceau qui va créer un petit peu la sensation et lancer tout un tas d'autres artistes sur la piste de ce jazz modal, donc que ce soit Archie Shepp, que ce soit Pharoah Sanders ou même la propre femme de John Coltrane, Alice Coltrane, qui vont se lancer dans ce style, dans ces longs morceaux qui reposent sur une ligne de basse ou sur un motif de piano ou de sax, etc., qui vont évoluer selon une gamme qui n'est plus une gamme occidentale, mais plutôt une gamme orientale. Et voilà, c'est vraiment un très très bon morceau. Alors le morceau qu'on va écouter a été enregistré en une seule prise, directement, tant qu'à faire, hein, il n'y a pas besoin d'y revenir. C'est pas le cas des autres morceaux de l'album qui ont nécessité parfois 3-4 prises, mais enfin bon, quand on n'est qu'à 3-4 prises à ce niveau-là de génie, c'est assez incroyable, parce qu'il faut vraiment que le groupe soit au diapason, parce que tout fonctionne à la manière dont chacun ressent la partie de l'autre et réussit à rejouer dessus et à retravailler autour de ce moule, de ce modèle qu'ils n'arrêtent pas de changer, d'interchanger, et c'est vraiment vraiment impressionnant. Donc l'album a été enregistré donc dans les studios de Rudy Van Gelder, comme souvent, hein, lui, Rudy Van Gelder, il a vu quand même passer un paquet de gens importants et un paquet d'albums importants dans ses studios, donc sur deux journées seulement en 1964. Et donc cet album va changer littéralement la phase du jazz, Love Supreme. On écoute donc ce morceau, Love Supreme, Acknowledgement, qui est le premier mouvement de cet album. Et laissez-vous porter, c'est vraiment du bonheur. C'est parti. Thank you. Et voilà un petit bonheur de jazz comme on l'aime, Love Supreme, donc de Monsieur John Coltrane, accompagné de McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Important de citer ce quartet plutôt en entier, parce que vraiment c'est comme s'il faisait qu'un seul homme à eux quatre, et vraiment écrire comme ça une page de l'histoire du jazz en une seule prise, en une seule journée quasiment. En 1964 et sorti de l'album en 65, ça tient du miracle. On est content de pouvoir se mettre ça entre les oreilles. Voilà, on va passer une petite page de l'agenda concert pour vous dire que la semaine dernière j'ai eu le grand bonheur de pouvoir assister au concert de Jeanne Adède avec Vincent Lekang et puis Bruno Ruder à Tours sous le nom de Yes is a Pleasant Country, où ils reprenaient eux aussi à leur manière des standards du jazz, et puis quelques surprises. Ils nous ont gratifié notamment de trois très beaux morceaux de Joni Mitchell, qui est une de mes chanteuses préférées, donc ça, c'était vraiment très très beau. Donc avec Bruno Ruder, un jeu de piano très particulier, un petit peu à côté de la mélodie, et Vincent Lekang au sax qui a envoyé des phrases un peu dans tous les sens. Et là-dessus, Jeanne Adède qui continuait à chanter les morceaux avec sa très belle voix, très très souple, et gardant le cap de la mélodie au milieu des écueils de ces deux comparses. C'était vraiment un très très très très beau moment. Alors dans les choses à venir, et ben on a cette semaine, si vous avez l'occasion d'aller sur la ville de Thouars, il y a le Festival Blues de Thouars, Territoire Blues, qui a lieu du 25 au 29 mars, avec Cincinnati Slim, avec Mike Keller, les Freaky Buds et Jackson Allen aussi. Donc si vous aimez le blues, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des expos, il y a des masterclass aussi pour ceux qui veulent bosser leur instrument, des scènes off, et puis toute une ambiance de festival bien bien sympa. Le 26 mars, à Jazz à Tours, va faire un petit exercice au Petit Faucheux. Jazz à Tours, c'est l'école de jazz de Tours, et ils vont donner une série de concerts avec Géraldine Laurent, qui va leur faire la masterclass quelques jours auparavant. Ça s'appellera Big Day, ça sera donc le 26 mars au Petit Faucheux, les élèves de Jazz à Tours. Et puis ensuite, on aura le festival Superflu autour du 4 avril, notamment sur le site de MAM. Voilà pour les quelques dates de ces quelques jours à venir. On va clôturer comme d'habitude avec un bien beau titre qui est réédité ces jours-ci. Il s'agit là encore de Jazz Modal, on va rester dans la même lignée, et c'est l'album Elevation de Pharoah Sanders qui sort ces jours-ci, qui ressort en vinyle notamment et en CD également, un des grands standards du label Impulse. Pharoah Sanders en a sorti quelques-uns des albums sur ce label Impulse entre 68 et 73, 6 ou 7 si ma mémoire est bonne. Celui-ci est le dernier, un album enregistré live d'ailleurs dans un petit club de Los Angeles qui s'appelait Ash Grove, un club qui avait toujours été un petit peu à la marge de la musique, un club très folk dans les années, début des années 60, et puis ensuite qui a tourné un petit peu vers le jazz et tout, le jazz un petit peu évolutif, le jazz modal, le free jazz notamment. Le club avait été fondé en 58 et malheureusement il a brûlé quelques jours après le passage de Pharoah Sanders. Alors il y en a certains qui ont fait les petits malins en disant que oui, c'était les esprits dans cette musique qui avaient provoqué cet incendie. Que nenni, en fait, ils sont juste visiblement d'un incendie criminel avec des règlements de compte entre gens de mauvaise vie, on va dire. Voilà, donc cet album Pharoah Sanders, c'était un petit peu son adieu au label Impulse. Après, il a changé de label, mais quel bel adieu, vraiment un gros album, et un album dont ce titre qu'on va écouter, Elevation, qu'on va écouter en extrait, hein, puisqu'il fait plus de 18 minutes, a une grosse influence sur quelqu'un que l'on a écouté tout à l'heure, c'est Shabaka Hutchings, qui a toujours eu ce morceau en tête. Donc quand il mettait au point sa musique, c'était vers ça qu'il voulait tendre. Donc sur ce morceau, on retrouve bien sûr Pharoah Sanders au sax ténor et au sax soprano. Il change en cours de route. Bien sûr, il chantonne aussi par moments. Il joue des cloches et des percus, comme c'était très à la mode à l'époque. Joe Bonner est au clavier et au percus, et aussi à la voix de temps en temps. Calvin Hill à la basse, Michael Carvin à la batterie, Lawrence Killian au percu et Jimmy Hayes également au percu. Voilà, vous allez voir une exposition du thème au sax, et puis petit à petit ça évolue toujours selon les mêmes recettes entre guillemets que ce qu'on a pu écouter depuis ce début d'émission. J'espère en tout cas que ce petit détour par le jazz modal vous aura bien plu. On va se retrouver donc la semaine prochaine, toujours avec Maxime aux manettes pour m'aider à mettre en boîte cette émission. Et puis d'ici là, portez-vous bien et que le jazz soit avec vous.